d'être un voleur. En cœur moins frimeur, ou léger comme la vapeur. Il n'est pas vantard, bien sûr pas vain. Pas le profil au bas, ni celui qui rentre toujours tard. Juste lui, cet homme grand venu d'ailleurs, qui a traversé mille et une heures. Parti sans but et sans frontières, apportant amour en réponse à mes prières. Il est juste lui, cet homme sensible venu de là-haut, qui paraît si bien dans sa peau. Au pas discret, aux yeux si clairs, portant amour. Geste amer, pratique pas la guerre, pleure jamais l'hier. Il n'est pas jaloux, surtout pas trop mou. Rentre jamais sous, original mais pas fou. Il est juste lui, cet homme au verbe calme et tendre à la fois, dont la venue a pris tant de mois. Il a parcouru la terre entière, pour apporter à moi. Terre entière.